Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler avec Michel Dugas. On est dans le carré d'as actuellement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a deux belles séries. C'est peut-être les quatre meilleures équipes. On en parle avec Michel. Salut Michel. Salut Danny. Michel, tu es d'accord avec moi que c'est sûrement les quatre meilleures équipes du il y a peut-être Bécomo qui aurait pu être là-dedans aussi, mais du Final Four, c'est quatre des cinq bonnes équipes, hein? Ah ben c'est sûr que à un certain moment donné, quand tu arrives dans le carré d'as, il commence à manquer de place. Ouais. Bécomo, évidemment, est une déception, autant pour le reste de la Ligue que pour les partisans eux-mêmes du Drakkar, qui s'attendaient, qui s'était mis un club là, pour aller loin en série. La seule chose, c'est qu'évidemment, les Wildcats de Moncton ont déjoué leur plan. Mais bon, si on revient au carré d'as actuel, là, oui, ce sont probablement les quatre meilleures équipes là, qui vont s'affronter. Et ils sont bien répartis actuellement, là, Rouyn-Noranda contre Rimouski, puis Drummondville contre Halifax. Ça va faire des séries intéressantes parce qu'il y a des histoires dans ces séries-là aussi. Effectivement. On va commencer avec la série que tu vas suivre le plus. C'est les Huskies de Rouyn-Noranda parce que t'es de Val-d'Or, effectivement. Donc, j'imagine que... Est-ce que les gens de Val-d'Or, un coup que les Foreurs sont éliminés, est-ce qu'ils se rangent derrière les Huskies ou encore c'est comme Canadien Nordique, puis on va prendre... Toutes les équipes sauvent notre équipe. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis je peux te dire que les deux dernières fois qu'une équipe de l'Abitibi a atteint la finale, donc je peux te parler de 2014, puis je peux te parler de 2016. Hein. La ville qui n'a pas gagné ou la ville qui n'était pas en finale, les partisans supportaient l'autre équipe. Okay. Je peux te dire, juste pour te dire, en 2014, là, j'étais évidemment là, aux premières loges pour la finale contre le Drakkar de Bécomo. Ouais. Puis dans le centre Air Québec, on voyait des chandails, des Huskies un peu partout. Okay. C'était des gens qui étaient des fervents partisans des Huskies, mais qui appuyaient les Foreurs parce que c'est l'équipe de la région qui était là. Il y a un sentiment, oui, quand c'est Huskies contre Foreurs, là, c'est la grosse rivalité. Ça, c'est clair, là, mais... Une fois qu'il y en a un qui va un peu plus loin que l'autre, là, l'autre ville se rallie d'habitude là, assez facilement. OK. Et là, les Huskies ont perdu un très gros joueur. Peter Abadado, c'est le capitaine, c'est le meilleur joueur des séries éliminatoires, c'est le meilleur joueur également du côté de la saison régulière. C'est une lourde perte. C'est une lourde perte et j'oserais dire, Danny, que il n'y a pas de pire façon de perdre un joueur. Tu sais, sur soit une mise en échec, le genou tourne un peu, tu te fais blesser, tu t'entres en collision avec un autre joueur. Et, bon, c'est des accidents qui sont reliés au hockey. Et là, on parle d'une mononucléose. Ça veut dire que c'est une maladie infectieuse que tu peux attraper de toutes sortes de manières. Et lui, il a choisi le pire temps pour attraper cette infection-là, malheureusement. Par contre, oui, ça a été le meilleur. Ça a été là, mais... L'âme et le cœur de cette équipe-là au cours de l'année. Par contre, les Huskies de Rouyn-Noranda ont démontré tout au long de la saison qu'ils avaient énormément de profondeur. Quand c'est pas le premier trio qui était neutralisé, quand c'est le premier trio qui était neutralisé, le deuxième trio embarquait. T'as même le troisième trio là, qui pouvait produire offensivement pour une défensive à toute épreuve du côté des Huskies. Okay. Alors, oui, ça va être difficile. Plus difficile que prévu parce qu'on n'a pas notre leader, mais même Peter Abandonato a déclaré dans les médias ici que il est très déçu de ne pas être là, évidemment, mais qu'il a confiance en ses coéquipiers pour pouvoir rendre l'équipe en finale. Là, c'est-tu assuré qu'ils ne sont pas là pour tous les matchs, tout la ronde? C'est mononucléose. C'est confirmé qu'il... Ouais, okay. Parce que la mononucléose, là, tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça termine. Ouais. Mais là, on dit, je suis pas médecin, là, loin, peu s'en faut, mais ce qu'on sait, c'est qu'au moins pour la série contre Rimouski, même si ça sera en 7 matchs, Peter Abandonato ne sera pas disponible. Donc, Mario Pouliot et son équipe d'entraîneurs devra composé sans leur leader, mais avec quand même, on le disait, là, beaucoup de profondeur, notamment défensive. OK. Là, donc, du côté de l'Océanique, évidemment, c'est sûr que l'équipe des Huskies, depuis que Norah Dobson est arrivé, on a stabilisé complètement la défensive là, aussi. Là. C'était vraiment un stabilisateur. Oui, parce que c'est un gars qui a pas beaucoup de défauts. Ouais. C'est un gars qui peut autant appuyer l'attaque qu'être bon en défensive. Donc, c'est vraiment là. Puis la beauté de l'affaire, c'est qu'il serait disponible pour revenir l'an prochain. Ce qu'on peut dire là, c'est que il a pas été nommé le meilleur joueur, le meilleur défenseur du circuit au Gala des Rondelles d'Or. C'est Charles-Édouard Dastou de l'Océanique qui l'a emporté. Donc, ça va être un beau duel là, entre ces deux défenseurs-là, deux défenseurs étoiles. Donc, Dastou du côté de l'Océanique et Dobson du côté des Huskies. Ouais. Même chose devant le filet, là, ça va être une belle confrontation parce que Colton Ellis a été très bon depuis le début des séries. On parle d'une moyenne d'en bas de deux puis d'un pourcentage d'arrêt qui est autour de 930. Samuel Harvey, à peu près des statistiques similaires. Donc, ça va être difficile de percer ces deux défensives-là. Surtout qu'il est devant le filet, là, ça va être un beau duel. Là. Ah, effectivement. L'autre série, ça c'est une. Oh, c'est une série qui est probablement la meilleure série des deux, hein. Drummondville contre Halifax, l'attaque contre. Ça risque d'être très, très bon. Ça risque d'être une très, très belle série. Ça va être une très, très belle série, surtout qu'il y a, je pense, au moins trois anciens joueurs des Moussettes qui s'alignent actuellement avec les Voltigeurs. Donc, ils vont vouloir prouver, évidemment, que les Moussettes ont eu tort de les échanger ou de les laisser aller. Donc, il y a tout ça là, qu'on va mettre dans la balance. Faudra voir si Steve Hartley va permettre à Olivier Rodrigue de revenir devant le filet. Ouais. On sait que Anthony Moroney a tenu son bout là, pendant les séries. Faut dire que contre Sherbrooke, là, c'est sûr qu'il n'a pas été mis à l'épreuve énormément, mais l'attaque des Moussettes n'est pas celle là, du Phoenix, là. Avec tout le respect que j'ai pour les gens de l'Estrie, là, du côté des Moussettes, on a une attaque qui est un peu plus mordante, disons. Donc, c'est possible qu'au cours de la série, on voit arriver Olivier Rodrigue là, qui se remet d'une cassette. Et ça risque de. Il y a une attaque du côté des Voltigeurs. Ça va être bon, en tout cas. Ça serait pas surprenant que ça soit dans la 7, ça. Ça va être une série très serrée, effectivement. Ouais. Puis n'oublions pas là, que derrière le banc aussi, ça va jouer beaucoup. Notamment parce que Dominique Ducharme, maintenant que le Canadien est éliminé, va venir faire son tour du côté de son ancienne équipe junior. Donc, va agir à titre de conseiller spécial. C'est pas lui qui va être derrière le banc. Là, on laisse le job à Steve Hartley. Puis de l'autre côté, bon, on a un fin renard, là, Éric Veilleux, qui connaît tous les trucs, là. Et qui est un entraîneur très rigoureux là, par rapport aux préparations, aux stratégies là, pour planifier un match. Là. Effectivement. Ah, hier, les Sea Dogs de St. John qui ont remporté la loterie, et tout indique que ça devrait être José Roy qui devrait être le premier choix, qui est un joueur de Lévis, qui est les Chevaliers de Lévis qui ont fait un très, très beau record en saison régulière. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé en séries éliminatoires. Ils ont été éliminés. Ça a fait patate un peu. Oui, effectivement. Tu sais, l'histoire du pic, Michel, là, moi, j'y crois beaucoup. Puis c'est la plus belle preuve avec les Chevaliers de Lévis. Joueur Roy qui devrait être le premier choix. C'est quel genre de joueur que c'est? Est-ce qu'on peut le comparer à Hendrix Lapierre? Oui, c'est probablement la meilleure comparaison qu'on peut faire. Ouais. C'est un jeune qui va avoir des choses à apprendre. Mais c'est un joueur qui a énormément de talent. Puis d'après moi, il va peut-être falloir peaufiner son jeu défensif. Pour ce qui est de la loterie elle-même, ça, c'est particulier. Hein, les Sea Dogs qui ont le premier choix, malgré qu'ils avaient seulement 4% des chances. Là. Okay. Parce que n'oublions pas que, oui, ils ont terminé les deux dernières saisons régulières, mais pour aller chercher la Coupe du Président en 2017, ils avaient échangé leur premier choix au Forêt de Val-d'Or dans l'échange qu'ils avaient envoyé Julien Gauthier aux Sea Dogs. Et là, ben, on arrive et je sais pas par quel tour de passe-passe, on a ajouté une boule dans le boulier, celle des Sea Dogs. Parce que le premier choix appartenait des Sea Dogs appartenait aux Foreurs, mais là, ben finalement, les Foreurs vont se contenter du deuxième choix. Ça devrait être quand même pas si mal, mais oui, je pense que les Sea Dogs, encore une fois, qui ont profité de la chance. OK. Ben Michel, on s'en reparle la semaine prochaine pour parler des séries dans la LHJMQ. Oui, ben les choses vont s'être avancées un peu. On va pouvoir analyser tout ça. Notre collaborateur de la LHJMQ, Michel Dugas.